les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était il y a longtemps, en 1991. C'était la première guerre du Golfe et François Mitterrand était président pour 4 années encore. Au mois de mai, Michel Rocard était démissionné et pour la première fois, une femme, Edith Cresson, était nommée Premier ministre. Au mois de mai, cette année-là, les banlieues des grands ensembles connaissaient des émeutes qui n'étaient pas les premières et ne devaient pas être les dernières. C'était en 1991, il y a une éternité, avant Internet et avant les smartphones. Lionel Jospin était alors ministre de l'Éducation et déjà dans les collèges, dans les lycées des quartiers populaires, des enseignants s'appliquaient, vaille que vaille, à tenir le fil ou même à le renouer avec certains de leurs élèves, de plus en plus nombreux, sur le point de prendre la tangente. Comme au lycée Voyaume, d'Aulnay-sous-Bois, où les nuits magnétiques transportaient leurs micros dans une classe de seconde expérimentale. À des élèves en situation d'échec, auxquels il s'agissait de redonner confiance et estime d'eux-mêmes, était alors proposé un projet pédagogique incluant des activités d'écriture et de découverte artistique en lien avec le programme. Une expérience à laquelle participait le photographe Marc Pateau, venu installer pour cela son laboratoire au sein du lycée. Nuit magnétique, Aulnay-sous-Bois, premier volet d'une émission en 2 parties proposée par Michel Maire et Isabelle Jeanneret avec la participation de l'écrivain John Berger. Première diffusion le 28 mai 1991 sur France Culture. Nuit magnétique, bonsoir. Nos banlieues ne se portent pas bien. C'est vrai, c'est ce qu'on répète un peu partout depuis un moment déjà. Elles sont le miroir de nos propres blessures, c'est ce qu'on répète aussi. Alors on ouvre les yeux, on s'active, et c'est tant mieux, on cherche à réparer, à guérir, on cherche à comprendre, à faire circuler les mots, les questions. Le tribunal de Créteil, par exemple, qui vient d'ouvrir ses portes aux enfants et aux lycéens, la ZUP d'Argenteuil, qui invente un camion sanitaire qui circulera à la sortie des lycées, près des foyers de travailleurs immigrés, près des stades, près des bouches de métro, une sorte de permanence mobile pour la prévention de la toxicomanie et du sida en banlieue. Toutes sortes d'actions, ici ou là, qui tentent d'avancer un peu. Bon alors, qui est-ce qui l'a déjà vu ce tableau ? Philippe, approchez. Approchez là, ceux qui ont déjà vu ce tableau. Ils l'ont tous. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Tu vois ? Ouais. C'est un jugement. C'est Saint-Louis là qui est sur son siège. Salomon. Salomon qui est sur son siège. Et il y a une histoire avec 2 enfants. Il y en a un qui est mort, il est ouvert là, il est au premier plan. Il y a 2 femmes. Et les 2 femmes, la femme, son enfant, elle l'a tué et elle va voler l'enfant de l'autre. Et l'autre femme, elle va voir Salomon, elle dit que c'est son fils. Et les 2 femmes, en fait, elles veulent le même fils. Et alors Salomon dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais couper l'enfant en 2, vous en aurez chacun une partie, comme ça. Et la vraie mère, elle dit, non, je préfère que l'autre, elle la garde plutôt que mon enfant soit coupé en 2. Et l'autre, elle est d'accord. Et Salomon, il dit, bon, ben, maintenant, je sais qui c'est la mère, c'est celle qui dit qu'elle ne veut pas couper le gosse. Et voilà, c'est tout. Merci. Bonne prestation. Alors on dit que c'est un tableau classique. Est-ce que vous pouvez vous souvenir, en regardant ce tableau, des critères qui nous permettent de dire qu'un tableau est classique ? Les couleurs. Les couleurs ? Non, c'est Salomon qui est en hauteur. Salomon est en hauteur. La tête de Salomon et les têtes des femmes, ça forme un triangle. Et un triangle qui s'évase en fait quand on rejoint toutes les têtes. Vous n'avez pas vu ça. Aulnay-sous-Bois. Michel Maire, Isabelle Jeanneret, dehors, dedans. Aulnay-sous-Bois. Rendez-vous avec Marc Pateau, photographe, artiste invité disposant quelques mois d'un local dans un lycée de banlieue, le lycée Voilôme, où il tire le portrait du 1% de la population scolaire, c'est-à-dire de la trentaine d'élèves que compte la classe expérimentale de seconde 11. Toi, tu as eu quand cette salle dans le lycée pour faire des photos avec eux? Alors, ça a été compliqué parce que au début j'avais une autre salle et puis enfin, tu sais, l'administration, les autres profs. Et puis finalement on a trouvé cette salle. Parce que l'idée c'était d'avoir une salle où je puisse aller quand je voulais. Tu vois, sans déranger personne, sans. Alors au départ, moi, l'idée d'avoir une salle pour moi tout seul, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Mais en fait, ça s'est avéré ingérable, tu vois, avec les autres, dans la relation. Il s'est considéré comme un atelier d'artiste à l'intérieur du lycée. Ouais. Mais ceci dit, c'est bien aussi. C'est bien parce que du coup, j'ai pu l'habiter un peu, tu vois, mettre des affiches au mur, en faire un lieu plus intime, un peu coupé des couloirs et du lycée. Et les élèves, ils viennent dans ce lieu? Ouais, ben ils viennent sur rendez-vous, là, pratiquement. Tu vois, quand je suis là, je viens et puis je vais voir ceux que j'ai pas photographiés ou ceux que j'ai envie de refotographier, etc. Et puis, donc ils viennent, on passe, je crois, une demi-heure, un truc comme ça. Et c'était assez intéressant tout à l'heure sur l'idée du le lycée en dehors de tout, tu vois. Aussi bien en dehors de la banlieue qu'en dehors de la vie, qu'en dehors de... Alors peut-être que cette salle-là, elle est aussi en dehors du lycée, tu vois. Donc elle est, je sais pas où elle est. Du coup, elle est... Marie-Paul Leroy enseigne le français aux élèves de seconde 11. C'est avec elle qu'ils ont fait leur premier pas en poésie. Les thèmes, laissez-nous vivre, pourquoi ma vie, ma banlieue, ma vie. Un petit détour par le LEP. Est-ce que vous connaissez un petit peu la géographie du lycée? Parce que là, c'est le LEP à gauche. C'est le LEP. Et là, à droite, le lycée. Donc là, combien il y a d'élèves ici? 2600, 330 profs. C'est plus grand que mon village. Mon village, nous sommes 2200. Dans cette cité scolaire, il y a 2600 élèves, 330 profs, plus l'administration, c'est-à-dire plus de 3000 personnes qui vivent. Et on s'étonne qu'il y ait de la violence éventuellement de temps en temps. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Les adultes vivant dans ces conditions-là, la violence, elle existerait beaucoup plus grandement, c'est évident. J'enseigne dans cet établissement depuis 15 ans, bientôt. Je n'avais jamais connu le climat que je connais cette année. Un climat, effectivement, de violence grandissante, de tension, d'agressivité. Et dû à quelle cause particulièrement ? Il y en a quantité de causes. D'abord la surpopulation, c'est un lycée, on ne construit plus de lycée de 2600, c'est pas vivable, on le sait. 2600 personnes, c'est l'anonymat. On ne peut pas reprendre un adolescent par son nom. L'anonymat encourage à lâcheté et l'agressivité. Et il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'inadéquation de notre enseignement à notre population, qui crée des incompréhensions, des tensions, de la violence. De la violence larvée pour l'instant, il ne s'est jamais... On ne vit pas dans l'insécurité, hein. Mais c'est le climat se détériore, c'est sûr. C'est dommage. Ma banlieue, ils l'ont faite de ciment et de verre. Ils ont arraché les fleurs et planté des réverbères. Élargi les rues tristes et goudronné les pistes. Ma banlieue, elle est triste. Mais je veux faire tout pour qu'elle ne reste pas grise. Ma vie, c'est ma banlieue. Ça se voit dans mes yeux. Je sors de mon cœur ce qu'on appelle des couleurs. Coloriant ma banlieue, ma vie, je colorie votre ville, votre vie. Je sais que ma tâche est difficile, mes signatures indélébiles. On m'appelle Tagueur, la grisaille ne me fait pas peur. Sébastien. Où est-ce qu'on est, là? Là, on est... Là, on est dans le couloir, dans la... Comment dire? Dans le préau, quoi, où se réunissent les élèves pendant les intermèdes, quoi. Et on va où, là? Alors là, on va dans le bureau du conseiller d'éducation, M. Castarade. Alors, il y a les bureaux d'absence pour voir si les profs sont absents, ça. Et puis les cahiers, quoi. Donc, c'est un peu le... C'est où il y a souvent le plus de personnes, parce que... Au niveau des intermèdes, tout le monde est là pour voir s'il y a des profs d'absence, ça. Voilà. Il est à la machine. C'est la machine à café. On va rentrer après, non? C'est lui, là. D'accord. Bonjour. C'est Monsieur Castarin, notre conseiller d'éducation. Alors, oui. Je crois qu'il voudrait vous poser quelques petites questions. Oui, c'est... Alors, je vous laisse en... On peut aller à mon bureau. Ben là, vous voyez, je gère un peu les machines avec le monsieur qui est propriétaire, qui s'en occupe. Et il nous arrive des petits problèmes, c'est-à-dire que des élèves, parfois, tous les jours, s'amusent à boucher régulièrement les fentes. Ça fait partie des nuisances d'un établissement. Cet appareil a même été attaqué avec un chalumeau. Ils ont essayé donc de percer le monnayeur, enfin... Et bon, en ce moment, ça va mieux, mais nous sommes toutes les semaines confrontés à ce genre de nuisances, c'est-à-dire on met n'importe quoi dans les monnayeurs, on met des tas d'inscriptions, on maltraite le matériel. Alors, vous voyez dans quel état est le lycée, ça va très très vite, puisque nous sommes 2600 et c'est pas facile. Alors, j'essaie de rembourser les élèves, ce qui fait que j'ai une petite caisse et je rembourse, alors ça me fait une petite comptabilité annexe. Mais ce n'est pas le vrai travail du CPE, bien entendu. Excusez-moi. Excusez-nous, il n'y a pas trop de chaises. Oui, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est que le rôle donc du CPE en dehors du problème de la machine à sous? Oui, ça c'est tout à fait annexe, la machine à sous. Ben, le conseiller principal d'éducation, il est chargé de gérer tout ce qui s'appelle la vie scolaire, c'est-à-dire ce qui se trouve, entre guillemets, en dehors, toute vie qui se situe en dehors de la classe. Et bien entendu, une de ses premières activités, c'est réside dans le contrôle des absences. On est chargé de veiller à ce que tous les élèves aillent en cours, suivent régulièrement leurs cours, ne soient pas en retard. C'est un peu le côté un petit peu gendarme, malheureusement, qu'on fait souvent, parce qu'il y a de gros problèmes d'absentéisme. Et vous savez que tout absentéisme est finalement le symptôme disons, d'un certain mal-être, si j'ose dire. Je hais les chansons tristes. Il y a toujours une cause pour les écrire. Je hais les causes. Il y a toujours un soldat pour les défendre. Je hais les soldats. Il y a toujours une guerre pour les prendre. Je hais les guerres. Il y a toujours un fou pour tout détruire. Je hais les fous. Il y a toujours un asile pour les contenir. Je hais les asiles. Quand pourrais-je enfin en sortir ? Parfois, ils viennent nous le dire, on prend contact avec les parents, on essaie de savoir pourquoi ils sont absents, pour quelles raisons ils ne veulent plus travailler, pour quelles raisons ils veulent quitter le lycée, pourquoi ils sont agressifs. À nous recevant aussi tous les problèmes dans la journée, c'est-à-dire quand il y a eu un élève qui a agressé un prof, quand il y a des élèves qui se battent, moi j'en ai séparé, par exemple, sinon ça allait aller très loin. Il peut arriver n'importe quoi. Des élèves étrangers qui viennent, je ne veux pas tomber dans la sinistrose, mais ça nous est arrivé, qui viennent régler, pas des élèves, des extérieurs qui essayaient de venir casser la figure à un élève parce qu'il avait eu maille à partir avec le petit frère. Là ? Bon, voilà ce qui peut arriver. Là, c'est difficile quand ce sont des extérieurs. Quand ce sont nos élèves, on arrive un petit peu à contrôler. Quand certains gosses qui ont des gros problèmes dans les cités, on ne peut pas le savoir, nous, mais parfois, on le sait parce que nous avons la visite même de la police, parce que nous le savons en discutant avec l'élève. Mais généralement, ce n'est pas évident d'avoir une relation assez intime avec un élève, parce que le problème, c'est que nous représentons d'abord un certain pouvoir, enfin, entre guillemets, bien amoindri, il faut le dire, mais disons que nous sommes un peu le flic ici. Qui est chargé de les faire aller en cours, qui est chargé de faire appliquer le règlement. Donc on ne va pas nous voir comme on va voir l'assistante sociale. Qu'est-ce qu'il a dit ? Thierry Duchamp, sur les bagoulis. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit parce que... Hier. Je vous vois le nez en l'air. Qu'est-ce que vous faites que vous n'écrivez pas ? Quelles sont les causes principales de mortalité infantile ? Allez. On écrit un petit peu, là. C'est quoi ? Bon, alors pour l'instant, on n'est que dans le constat, hein ? Est-ce que dans les pays du tiers-monde, la ville est aussi importante ? Bah non. Quelle est, là encore, question d'image. Quelle est l'image que vous avez des pays du tiers-monde ? Les grosses villes, il y a moins de petites villes. Marina, conformément à son habitude, elle va tout de suite dans les détails. Il y a moins de petites villes, oui, et puis... Moi, j'ai deux clichés dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je raisonne par cliché. J'ai la grande ville, Mexico, où on est entassé, Dakar, Calcutta, où on est, où on meurt dans la rue. Et puis, j'ai aussi, moi, dans la tête, pour les pays du tiers-monde, je ne sais pas, moi, les grandes étendues de savane avec les girafes qui se baladent au milieu, etc. Alors, quelle est la bonne image ? C'est quoi le tiers-monde ? C'est des campagnes qui sont surpeuplées ou c'est un nombre incommensurable de grandes villes ? C'est les deux. C'est les deux. Oui, c'est ça Loïc, c'est les deux. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ? Ça dépend des régions. Alors, cette classe de seconde 11, donc, cette classe d'élèves qui sont volontaires pour redoubler, comment en est née l'idée ? Bien, l'idée, c'est à l'initiative de Dominique Rollin, un collègue dans l'établissement qui fait de la recherche pédagogique depuis des années et qui nous a proposé cette expérience l'année dernière. Et donc le volontariat concerne les élèves mais également les professeurs. Les professeurs qui ont eu envie de travailler un peu différemment. Donc c'est un peu une gageure. Il s'agissait donc de souscrire un contrat élèves et professeurs. De telle sorte que des jeunes qui sont en situation d'échec puissent prétendre à la fin d'une seconde à la classe de première désirée. C'est une parenthèse, hein, cette classe de seconde, l'expérience ne peut pas se généraliser. Il s'agissait donc de partir d'une analyse qui mettait en évidence que s'il y avait échec, c'était en quelque sorte un acte de confiance dans les enfants. S'il y avait échec, ce n'était pas nécessairement parce qu'ils n'étaient pas capables de réussir, mais c'est parce que quantité de raisons avaient fait qu'ils n'avaient pas pu suivre l'enseignement normal. Alors, en français, personnellement, je pense que s'ils sont en échec en français, s'ils sont en situation parfois même de complexe vis-à-vis de la langue et de la culture, c'est parce qu'il leur manque des référents culturels. Et que cette année-là, j'ai essayé de me libérer du programme de seconde habituel pour construire avec eux des référents culturels. Alors, c'était surtout en fait un travail psychologique, de restauration psychologique. Très souvent, quand on est un échec, qu'on est jeune, on a une image de soi dévalorisée, une absence de confiance en soi. Il s'agissait pour moi de leur montrer qu'ils pouvaient, ils étaient capables et qu'ils pouvaient apprendre avec plaisir. Donc il y a deux choses qui ont guidé l'expérience, alors en français, hein. C'est essayer de retrouver le plaisir d'apprendre, que ce soit qu'il y ait de la jouissance à utiliser les mots, à s'emparer de la langue. Et puis, deuxièmement, donc à se construire, à retrouver une image restaurée de soi-même. Donc c'est pour ça que là, la rencontre avec Marc a été pour moi une aubaine, parce que c'était tout à fait inespéré qu'un photographe vienne et accepte de travailler avec cette classe et puisse leur renvoyer une image d'eux, valorisante nécessairement, puisque c'est un photographe, un artiste, il est annoncé comme cela, qui va prendre du temps, qui va les photographier tous individuellement. Et ça, je comptais beaucoup là-dessus, qu'on leur envoie un regard positif. Voilà l'appareil photo. Tu l'as pas vu ça ? Non, j'ai pas vu. Moi. Alors en fait, c'est une chambre photographique. C'est à la fois le plus archaïque et le plus sophistiqué des appareils photo. Donc c'est modulable. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Il y avait l'objectif devant. Non, oh, vous m'avez rien expliqué. Je t'ai rien expliqué. Non. Ben là, il y a l'objectif. Ici, il y a ce qui va recevoir les négatifs. Et puis au milieu, on met un soufflet. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut rajouter des soufflets si on veut. Donc là, hop, je mets ça. Je t'ai fait voir à travers ou pas ? Non. T'as même pas vu dedans ? Très sauvage avec toi. C'est ça. Là. Alors, ben, viens voir. Tu vois. Donc tu te mets là, ici, tu regardes en face, bien en face. Et la mise au point, ça se fait comme ça, tu vois, en avançant ou en reculant, tu vois ? Ah d'accord. Ouais. Mais je sais pas, vous avez pas fait comme ça, vous aviez mis un truc aussi là, un truc... Une genre de lentille. Une ? Je sais pas, vous aviez réglé avec une lentille ou je sais pas quoi. Avec une loupe, ouais. Ouais, une loupe. Après, pour faire la mise au point. Ah. Donc ça, je vais rajouter ça au bout. Puis en même temps, tout à l'heure, on parlait de photos loupées ou de photos réussies. C'est pas vraiment dans ces termes-là non plus. C'est. Ouais, c'est loupé au deuxième sens. Quoi. Disons que c'est pas, ça rendait pas ce que vous vouliez, quoi. Non, c'est pas ça. Ouais, en même temps, je crois que. Moi, ça m'intéresse pas de photographier quelqu'un pour le représenter, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de qu'est-ce qui peut se passer quand moi je suis à côté de l'appareil photo. Parce qu'en plus, sur cet appareil photo, là, on n'est jamais derrière. On est toujours à côté. Donc, quand je vous prends en photo, en fait, je vois pas ce qui se passe. Vous êtes complètement seul avec l'appareil photo, et moi, je suis à côté. Alors, tout ce que je peux faire, c'est déclencher à un moment donné ou à un autre. Mais il y a une espèce de... Là, il y a vraiment une relation à trois. Hein, c'est beaucoup plus physique que quand on est derrière un appareil photo. Parce que là, en plus, bon, moi, je me cache sous un voile pour faire la netteté. Mais après, y a quelque chose de bizarre qui se passe là dans ce truc à trois. Bon, on essaye ? On y va? Alors, installe-toi là. Quand on prend des photos normalement avec un appareil normal, bon ben entre copains, tout ça, dans la famille, bon ben on prend souvent des grands plans de plusieurs personnes à la fois. Et là, nous prendre directement tout seul, rien que la tête, bon ben déjà il est assez près de nous, et puis on a l'impression qu'il veut nous prendre quelque chose, enfin je sais pas comment expliquer ça. Il y a les photos où on a l'impression que nous, le spectateur, nous allons vers cette tête, vers cet personnage, malgré eux, en effet. C'est nous qui faisons l'approche. Et dans cette approche, il y a toujours une certaine violence. Et puis, il y a une autre sorte de photo où on a la sensation que l'être photographié vient vers nous. Et à ce moment, c'est une rencontre mutuelle. J'ai l'impression que c'est comme s'il voulait entrer dans notre vie, quoi. Il voulait partager quelque chose avec nous. Il veut pas s'imposer, mais comment dire, il veut rentrer dedans pour voir ce qui se passe, comment on ressent la vie, comment on voit les choses, enfin tout quoi. Et c'est ça qui est intéressant chez Marc, c'est qu'il essaye de prendre des photos pour voir qu'est-ce qu'on pense à travers nos visages, à travers nos pensées, nos regards. C'est-à-dire, c'est pas de la curiosité. Non, c'est pas de la curiosité. Moi, je pense qu'il fait son métier et bon, il le fait très bien. Et ça fait partie de son métier. Et peut-être que c'est son caractère, qu'il a envie de faire ça. Et bon, ben pourquoi l'arrêter ? Il le fait très bien, donc il peut continuer. Donc moi, je me cache là-dessous. Toi, tu regardes bien dans l'appareil, bien dans l'objectif. Voilà, ça c'est parfait. Ok. Alors je m'approche un tout petit peu. Voilà, on va en faire deux comme ça. Parfait. Tu bouges pas. Une. Je fais la deuxième pareil. Voilà, très bien. Miguel, quand tu auras fini de perdre ton temps pour des petits problèmes matériels, bah oui, bah qu'est-ce que tu viens faire, ton stylo ? Celui-là, franchement. Je vais tomber en page. Christine, qu'est-ce que tu penses du taux de mortalité dans les pays du tiers-monde ? Même sans préacquis, sans connaissance préalable, quelle idée tu as, quelle image tu as de la situation comparée à ce que tu sais déjà dans les pays industrialisés ? Oui, par rapport aux pays industrialisés, un taux de mortalité qui reste élevé. Est-ce que quelqu'un peut déjà me dire quel est le poste dans toute la mortalité différentielle qu'on a mise en place lundi dernier ? Est-ce que vous pouvez me dire quel est le poste de mortalité qui va se trouver plus élevé dans les pays du tiers-monde que dans les pays industrialisés ? La mortalité infantile. Oui ? On peut me rappeler les différents stades de la mortalité infantile ? L'ARPI, tu te rappelles de ça ? De 0 à 5. Cédric ? Avant de prendre la licence. Non, mais dites, il y a un vocabulaire bien précis là, il faut l'avoir acquis. La mortinatalité. La mortinatalité. Périmortalité. Périmortalité. La périnatalité. La mortalité infantile. Et la mortalité infantile. Ça correspond à quoi ces trois critères-là? Vous avez bien appris. La mortalité infantile 0-5 ans. Oui. La mortalité. C'est. Pas tous en même temps. Non. Non. Je crois que c'est pas en mai qu'on va commencer comme ça. Il y a eu d'autres habitudes qui ont été prises jusqu'à maintenant. Jalil, reprends. 0-5 ans, la mortalité infantile. Ensuite. Ouais, 5 ans, 20 ans. Pourquoi il rit les autres? Est-ce que tu sais pourquoi il rit? Non, je ne sais pas. La mortalité, c'est pendant non, et après. Non, mais attends, Razik, on va lui dire déjà pourquoi t'as ri. Infantile. Parce qu'infantile, c'est de 0 à 5 ans. Écoute la question qu'on te pose. C'est quoi la question? Eh bien, dis, je te demande la réponse à une question que ça peut entendre. Razik, continue. Mortinatalité, c'est oui. Pendant et après la naissance. Oui. On nous demande de faire de l'éducation nationale alors qu'on ne fait que de l'instruction publique. Et il y a 50 ans, ça s'appelait instruction publique et on faisait de l'éducation. C'est tout vient de là, à mon avis. Il y a une ambiguïté et puis il y a même une perversité dans les mots. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas de l'éducation et que si on se mêle d'en faire, c'est très mal perçu, c'est très mal vécu. Moi, quand j'ai essayé de leur expliquer simplement au début d'année qu'on ne parle pas tous en même temps, ne serait-ce que pour respecter celui qui est en train de parler, qui que ce soit, le prof ou l'élève, le copain, ça fait partie de l'éducation et ils refusent. Parce qu'ils trouvent que c'est pas ici qu'on apprend ça, et puis c'est pas dans leur famille non plus qu'on leur apprend, donc c'est jamais appris. Et ça donne ce que vous avez vu, quoi, qui est quand même assez difficile à vivre au quotidien. Ce que je pense vraiment, au niveau de la vie, au niveau de la, si vous voulez savoir connaître la vie, il vaut mieux pas aller dans un lycée, quoi. C'est pas un prof qui vous dira fais ça, fais ci, fais ça. Faut y aller, faut se prendre des gamelles, il faut se ramasser, il faut. Puis à force on connaîtra la vie, mais c'est pas au lycée qu'on apprendra la vie. À mon lycée, ma vie, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Par contre, je voudrais bien un peu de ketchup si. Il y a des thèmes dont on aime bien entendre parler à l'intérieur de l'école. Parce qu'ils ne disent pas ni le collège ni le lycée, ils disent l'école, hein, même quand ils ont 18 ans. C'est très révélateur. Et il y a les thèmes du dehors dont on ne parle pas à l'école. Oui, sûrement. Sûrement, de temps en temps, quand on aborde vraiment des choses de vie, par exemple de mentalité, on les sent très surpris, presque gênés que ce soit abordé à l'école. Moi, je l'ai vécu la semaine dernière avec mes problèmes de natalité dans les pays industrialisés. J'ai été amenée à parler un peu de l'histoire de la contraception. Et il y a eu un remous parce qu'ils ont trouvé quasiment déplacé que j'évoque ça. C'est un thème d'ordre privé. Et pour eux, l'école, c'est ce qu'il y a de public. C'est de là vient la coupure qu'il y a entre le dedans et le dehors. C'est qu'ils n'ont pas compris que le lycée, ça pouvait être un lieu de vie, ou alors ils l'ont mal compris. C'est, pour eux, c'est un lieu de vie dans la mesure où on peut taguer aussi bien que dans le couloir du HLM. Mais nous, on voudrait que ce soit un lieu de vie, mais autre chose. Faire venir la vie, la vraie vie, mais pas l'aspect embêtant que leur vie quotidienne peut avoir. Or, eux, ils font venir, ils font rentrer les problèmes du dehors dedans. Et en fait, ces problèmes-là, ils ne sont pas résolus à l'intérieur du lycée, parce que le lycée n'a pas pour tâche non plus pour objectif de les résoudre. deux, trois. Banlieue, ça craint un peu, peu d'argent par de travail. Tu n'as que du vent, habitant des cités dans cette misère. Tu es né, tu hurles, ton indignation, le tag, fait valoir ton nom, nommé, nommant, nomination, le mur est ton terrain d'action, alors t'existes. On te connaît, t'es plus un inconnu dans le quartier que la police veut quadriller, alors implose, explose, alors implose, explose, impose. Ton nom est synonyme de peur, peur de ceux qu'on ne connaît pas. Il faut y vivre pour comprendre ça, ça, ça. C'est bon. Oui. La banlieue, ça, on travaillait dessus. La banlieue de Paris, par rapport à ce qu'il y a dans le monde, c'est rien du tout, c'est rien. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est la banlieue alors, hein, la banlieue de Paris? La banlieue, c'est pas rose. Non, la banlieue, c'est... je sais pas, moi, c'est... C'est la banlieue, quoi. Un genre de ghetto, voilà. C'est pas un genre de ghetto. Ouais, c'est plusieurs ghettos réunis, quoi. Disons qu'il faut connaître, quoi. Si on vient là-dedans, on vient déranger tout le monde, c'est sûr que c'est dur, mais... Si on vit depuis qu'on est tout petit, qu'on est là, c'est pas un ghetto, c'est la vie, quoi, c'est ça. Est-ce qu'en classe, ou en dehors de la classe, vous vous dites quand même ce que vous pensez les uns aux autres? Je dirais pas que c'est par des paroles, mais plutôt par des gestes, des attitudes, comme ça. Par exemple, le fait par exemple d'aller au café, j'y vais souvent, et c'est aussi un endroit où c'est un peu les mêmes personnes qui se retrouvent. Les gens qui pensent la même chose, ils y vont parce qu'en fait l'école, le midi, c'est mort, c'est rien. Et bon, c'est la... C'est la continuité, quoi. C'est affiché, c'est pas bon ce que vous faites. C'est pas bon ce que vous faites là, non, non. Pas de photo. Ah là, là. C'est pas bon. Mais j'ai mal au poignet, c'est grave. Allez, moi, le lycée, c'est à part. C'est à part de la vie, et puis il y a ma vie, et puis il y a le lycée. C'est pas pareil. Ça fait pas partie de la vie, le lycée? Non. C'est de la banlieue? Non plus. Le lycée, c'est quelque chose de bien spécial. C'est bizarre, parce que dans le lycée, vous avez des jeunes des Tilleuls, vous avez des jeunes de Bondy Nord... Il y a des jeunes de toutes les cités, des 3000 aussi, qui ne peuvent pas se piffrer en général. Il y a souvent des bastons entre ces trois cités-là. Enfin, moi, ce que je connais, pas grand-chose. Hein. Enfin, j'ai entendu parler de trucs comme ça. Et bon, c'est bizarre que dans le lycée, c'est pas comme ça. Quoi. On ne le sent pas comme ça. Je hais l'école, je hais les prisons, je hais la torture, je hais la guerre, je hais Saddam Hussein, je hais les épinards. Tu as fait volontairement ça? Bah oui, volontairement, c'est un effet de style, quoi. Tu l'as pris au sérieux ou... Les prisons, la torture, tout ça, c'est des sujets sérieux. Et l'école? L'école aussi, bien sûr. Alors tu hais vraiment l'école? Ouais. Enfin, haïr, c'est un peu gros, quoi. Là, c'est un effet de style. Ouais. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas, disons, à l'école? Ce que j'aime pas, c'est... on est obligé, quoi. Les obligations, enfin, c'est normal, quoi. Et c'est de venir à l'école aussi. Le fait de venir. Mais sinon... Et pourquoi le fait de venir? J'aimerais bien faire autre chose, quoi. Bien sûr. Autre chose, quoi, par exemple? Ah, autre chose. Aller à la campagne ou ailleurs. Sortir un peu de la grisaille, quoi. Si je serais pas en banlieue, ça irait mieux. Qu'est-ce qui est très dur pour toi dans la banlieue? Ben, c'est le fait justement qu'il n'y ait pas d'arbres ou le fait que ça soit gris, triste. Bon, ben, on y va. Je vais m'approcher un tout petit peu encore. Voilà. Oui, très bien. Voilà, ça c'est très bien. C'est ça, quoi. À partir voilà, du moment où on a fermé la porte le matin, on recommence une nouvelle journée et jusqu'à temps qu'on sorte des cours le soir, c'est une autre journée. C'est une autre vie et il y a deux journées séparées, quoi. Il y a vraiment une coupure. Ce que j'ai dit au café tout à l'heure, ça fait pas partie de ma vie, ce truc-là. Ma vraie vie, elle est pas ici. Elle est dehors, elle est avec... La vraie vie, oui, mais surtout ce qu'on a envie de vivre. Et pas vraiment la vraie vie. Parce que la vraie vie, elle est partout. Et ce qu'on a envie de vivre, c'est pas dans les colisées en dehors, surtout. Oh, t'es chier, Miguel. Il y en a un. Il y en a trois pour... Tu veux que je les prenne? Raoul. Hey, Julien, il y a ton robe, là. Qui est Julien? Madame Mélène. Il attend, là. Les trois pour... Xavier. J'ai l'impression que ce lycée est vieux. Il était conçu pour 1600 élèves, il y en a 2600. On est en train d'exploser. Et il n'a pas été rénové. Il le sera l'année prochaine, heureusement. Et il y a une espèce de, je crois, de révolte. On veut casser un peu cette espèce de masse en béton. Casser, oui, parce que des fois, on donne des grands coups de bottes dans les portes. On a cassé des portes, on a cassé des fenêtres. On tague... pour peut-être affirmer sa personnalité, dire ben, « moi je fais partie de telle bande, je suis là, moi c'est comme ça que je le vois ». Je pense que si on avait un lycée nickel, les élèves seraient moins enclins à procéder de la sorte. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on reçoit des gens qui ont des tas de problèmes. Et nous, on n'a pas les moyens de régler tous ces problèmes. Loin de là. Vous savez très bien que c'est un problème de société. Et en plus, avec la démocratisation... qui s'est opéré, c'est-à-dire que maintenant il n'y a pratiquement plus de filtre, on accueille pratiquement tous les élèves, avec tous leurs problèmes. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Et nous avons des tas de problèmes relationnels, des élèves qui ne savent plus verbaliser, quand ils ont un problème, c'est l'affrontement physique. On en est arrivé à ça. Faut pas se leurrer, quoi. Le ghetto avec un G majuscule, personne n'en connaît la signification. C'est un rapport avec justement la population juive. Mais Christine, elle pense au ghetto de Varsovie. Moi, je pense à autre chose, au quartier. Quand on met les quartiers avec que des Arabes ou que des Chinois ou que des Noirs. Ça, c'est la signification actuelle du mot commun qui s'appelle le ghetto. Moi, je voudrais connaître comment on en est arrivé à désigner ces quartiers où vous avez rassemblé une population particulière. Ensemble, oui. J'ai n'importe quoi. Mais non. Allez, Samy, qu'est-ce que tu as à dire sur le ghetto? Vas-y, vois. Rien à dire. Rien à dire, alors tais-toi. Salut. Non, là, le ghetto, là, c'est pour de vous. Sûrement, oui, sûrement. On est bien placé pour le savoir. Hein. Ghetto. Mais alors, un petit peu d'histoire, puisque vous savez ce que ça recoupe, le ghetto, et que vous ne savez pas d'où ça vient. C'est le nom du quartier juif à Venise au Moyen-Âge. Vous savez que Venise, c'était une ville très très importante au Moyen-Âge. Hein? Et comme toutes les villes du Moyen-Âge, elle isolait les juifs qui étaient régulièrement accusés de toutes les calamités qui pouvaient subvenir dans un endroit. On les avait parqués dans un quartier qui s'appelait le ghetto. Et c'est comme ça que t'es arrivé à la notion de ghetto de Varsovie. Et maintenant, le ghetto, c'est un endroit où l'on se sent rejeté, enfermé entre soi, pas forcément entre juifs. Hein? C'est ce que Samir devait avoir envie de dire, d'accord? C'est ça, Samir? Oui? Si vous voulez. C'est pas moi qui veux, c'est toi. Hein? Je te donne la parole si tu veux me dire ce que t'en penses. Oui, je suis d'accord. T'es d'accord. Bon. Eh bien, c'est bien. Tu as renvoyé la question comme si tu voulais pas en entendre parler. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah ouais, bon, ça c'est... Je sais pas, on a l'impression que... On a l'impression que... Que quoi? Quelle impression t'as eue, chien? Qu'on le... Je sais pas moi, comment dire ça, c'est... Nous sommes un... les oubliés de la société, enfin, un peu, c'est ça que... في الاستعمار عربي يا عربي أرضنا في الاستعمار Palestine occupée, Palestine brimée, basanés comme toi, ils se battent chez eux. Des pierres dans les mains, ils lancent une tifada. Des pères contre l'armée, ils tentent Mister Klel. Pour eux, pas de mystère, la lutte est dans la rue. Des gosses comme toi qui lancent dans les rues. Les cris de l'Istermar, les cris de Palestine. Les cris de l'Istermar, les cris de Palestine. Pas de coalition pour les Palestiniens. Le pétrole est ailleurs, les dollars au Koweït. Le pétrole est ailleurs, les dollars aux Émirs. Israël comme allié du monde occidental. Israël s'est permis de bombarder Beyrouth, de bombarder Bagdad, de bombarder Tunis. Occuper comme elle veut la terre de Palestine. Droit de l'ONU, le droit de l'injustice. Le droit de l'ONU, le droit des grandes puissances. Droit de veto aux uns, droit de se taire aux autres. Moi, les Américains et leurs petits larbins sont partis nettoyer la rébellion arabe. Et pour cela, mes frères, ils ont détruit l'Irak, écrasé sous les bombes les cris des Irakiens. Pour un enseignant d'histoire, quand on se trouve dans cette situation où il y a vraiment un problème d'histoire contemporaine qui se pose et où il faudra peut-être des bases pour y réagir, mais que d'autre part on a un programme à assurer, comment on vit sur une aussi longue période que la guerre du Golfe? On attend la demande des élèves. Alors quand les élèves demandent, on prend le temps nécessaire pour expliquer. Puis quand ils ne demandent pas, on explique, mais vite. Enfin, moi, c'est la solution de moyen terme que j'ai trouvée. J'ai pas voulu faire complètement le silence parce que ça me paraissait vraiment complètement aberrant. Et puis, j'ai pas non plus voulu tout arrêter pour finalement, de temps en temps, répéter des choses qui seraient très voisines de ce qu'ils pouvaient entendre par ailleurs. Il fallait intervenir, mais intervenir autrement. Il s'agissait pas que je répète ce que moi, j'avais entendu la veille au journal télévisé. Alors bon, on a travaillé, mais au sens vraiment fort du terme, dessus en terminale. On a évoqué en première et en seconde, on en a parlé simplement. J'ai un copain à moi qui est juif. J'en ai qui sont arabes et tout. Et puis il a fallu avoir des bagarres et tout. On s'est disputé et tout, mais je voulais moi personnellement, même si je suis pas d'accord vraiment avec ce qu'ils font les Israéliens, quoi. Entre mon copain et moi, par exemple, ça avait, on n'a pas vu ça, quoi. Sous les, il n'y a pas de race. On est tous ensemble, on est tous des frères, je ne sais pas. Même s'il y a une guerre, je ne sais pas, entre mon pays et le sien, ça ne rentrera pas entre nous deux, quoi. Nous, on est amis, c'est comme ça. Et alors, le fin du fin... C'est celui ou celle qui va être, pour conclure, en mesure de me grouper les deux idées Campagne pléthorique, sururbanisation, finalement, ça entraîne en dernière conséquence quoi pour la population ? Puisqu'il y a désertification de la campagne, puisqu'il y a bidonvillisation de la ville, finalement, au bout du compte, pour la population, dans ses revenus, qu'est-ce que ça entraîne tout ça ? Une réduction de la surface de vie. Oui, une réduction de la surface disponible pour vivre, une baisse des revenus. Si les revenus baissent, on devient pauvre ou riche ? Pauvre. Et si on devient toujours plus pauvre, qu'est-ce qui se passe ? On devient encore plus riche. Il y a un mot que je vous ai déjà donné là. La paupérisation. La paupérisation. Tout cela, ça aboutit à la paupérisation. Non, on part pas, on marque paupérisation. Non, j'ai pas donné le signal du départ. Paupérisation. Voilà, il semblerait que vous ayez des après-midi assez bien occupés ces temps-ci. Je ne vous donne pas de travailler très pour... C'est une classe qui me pose peu de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'elle a la chance d'être suivie réellement, de posséder un noyau de professeurs totalement impliqués dans une action pédagogique qui leur permet d'être suivis, d'être écoutés. Alors, j'ai eu quelques problèmes d'absentéisme que j'ai rapidement réglés, mais j'ai l'impression qu'ils sont tellement... Ils s'épanouissent dans cette action éducative que le CPE n'a pas à intervenir à la limite. Je suis ça, mais si vous voulez, c'est vraiment... ils se savent écouter, ils savent qu'ils peuvent... Ils se sont impliqués dans un... Et ils me posent aucun problème. J'ai pas eu de problème de violence, d'agressivité. Mais c'est cette expérience pédagogique qui fait en sorte qu'on arrive à faire de ces redoublants des élèves qui vont s'épanouir, qui ne sont plus en situation tout le temps d'échec. Donc en fait, cette seconde 11, c'est une classe privilégiée dans cet établissement. Tout à fait. Je crois qu'elle est tout à fait privilégiée. Je crois qu'ils ont... Et d'ailleurs, ils s'en rendent compte. Ils ont eu quand même la chance d'avoir un photographe qui s'occupe d'eux, d'avoir des professeurs de grandes compétences qui s'occupent également d'eux. On se réunit pour eux une fois par mois. On fait le bilan. Ils vont au Louvre. Il y a France Culture qui vient. Je veux dire, si on pouvait faire appliquer ce traitement éducatif, entre guillemets, à toutes les classes, nous aurions trois fois moins de problèmes. D'adolescents de moins de 18 ans, ils sont autorisés à passer pour filmer. Mais ils ont pratiqué, de toute façon. Je vais vous le dire. Oui, je vous le dirai. Tu t'es arrêté devant ce tableau, hein, c'est une scène d'intérieur. Qu'est-ce qui t'a frappé tu t'es arrêté devant ? Non, c'est la façon qu'ils dessinent les petits plats, les trucs en cuivre. Les cuivres, je trouve que c'est vachement réaliste quand on regarde. Vachement réaliste. On dirait une photo, une photo surtout. On dirait les points brillants, tout est bien fait, les brillants, l'eau qui coule, c'est bien cool. Et quand tu peins, qu'est-ce que tu peins ? Des choses réalistes aussi ? Non, je peins surtout des personnages, des femmes, des enfants. Tous des gens tristes, des gens qui pleurent, j'aime bien peindre ça. Et tu ne peins pas de gens qui rient ? Bah si, mais je préfère les gens qui pleurent. C'est plus beau, voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est des choses qui te touchent, donc tu les peins. Ouais. Qu'est-ce que tu préférerais si tu te mettais à la photo ? Tu préférerais prendre des photos ou tu préférerais peindre, continuer à peindre ? Je préférerais peindre quand même. Parce que quelle différence tu fais entre la peinture et la photo ? Je ne fais pas beaucoup de différence parce qu'en fait, quand je fais mes personnages, ils ont toujours un regard comme si regardaient un photographe. Surtout le regard, il regarde toujours vers moi. Donc, tu n'as pas besoin de l'appareil photo en fait ? Non. C'est comme si c'était moi le photographe, parce que je l'ai fait me regarder quoi. Afrène dans la prison. Dans la prison, Afrène, c'est le lieu. 11h, ce matin. Ce matin, vers 11h, c'est le temps. Jeunes, fusillés, des jeunes ont été fusillés. C'est l'action. 5 lycéens. 5 lycéens, ce sont les personnages. Jean Arthus, il a 15 ans. Jean Arthus a 15 ans, c'est le premier. Pierre Benoît, il a 15 ans. Pierre Benoît a 15 ans, c'est le second. Lucien Legros, il a 16 ans. Lucien Legros a 16 ans, c'est le troisième. Jacques Baudry, il a 18 ans. Jacques Baudry a 18 ans, c'est le quatrième. Pierre Grelot, il a 17 ans. Pierre Grelot a 17 ans, c'est le cinquième. Moi, j'ai 17 ans. Moi, j'ai 17 ans, c'est la narratrice. Mots, mots, des mots pour dire. Ce sont leurs mots qui furent écrits. Adieu, chers parents. Adieu, chers parents. Adieu, mon grand chéri. Adieu, mon grand chéri. Adieu, Mano. Adieu, Mano. Adieu, maman. Adieu, petite maman chérie. Adieu, Toto. Totote, Toto, adieu. Adieu, Nicole. Adieu, Nicole. Adieu, Jacques chéri. Adieu, Jacques chéri. Adieu, la vie. Adieu, la vie. Mots, mots. Des mots, ce sont mes mots que j'écris en leur mémoire. C'est drôle parce que moi, c'est un portrait que j'aime beaucoup. Et effectivement, quand je montre la série, les gens aiment beaucoup ce portrait-là. Et en même temps, ce matin, je disais que j'avais eu du mal à la photographier, elle, parce qu'elle avait un t-shirt blanc, tu vois. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai une idée. Tu vois, quand je veux la photographier et je veux réussir sa photographie d'une certaine façon, parce que j'ai lu tes textes aussi, tu vois. Parce que je sais que tu as fait dans ce travail-là un travail considérable, tu vois. Elle a vraiment fait des très beaux textes. Et donc moi, j'ai ça dans ma mémoire. Enfin, j'ai ça, tu vois, dans ma vision en même temps. Et ça, j'ai envie de le traduire dans le portrait que je vais faire d'elle. C'est ce qui m'attire un peu chez elle, tu vois. Essayer de traduire ce qu'elle a réussi à mettre en mots, essayer de le traduire en images, tu vois, avec son portrait. Mais ceci dit, c'est évident que ce ne sera pas son portrait à elle, ce sera forcément une rencontre entre ce qu'elle est elle, ce que moi j'ai saisi de ses textes, etc. Et puis du moment où on va se rencontrer. Tu regardes bien l'appareil. Voilà. Et la deuxième. Il y avait l'année dernière dans mes classes des jeunes dont je désespérais. Et là, ils m'ont étonnée. Ils m'ont étonnée par leur sensibilité, par leurs ressources. Et je crois que pour moi, c'est une leçon aussi. Moi je vois qu'au début, là, pour moi, les poèmes, moi, c'était... Moi, je n'en avais jamais fait, alors je ne savais pas comment faire. Et puis, c'est vrai qu'au début, je râlais. Parce que moi, j'ai pas honte de le dire, je râlais. Je disais, ouais, je ne sais pas en faire, je ne suis pas un poète et tout. Et je crois qu'elle se rappelle très bien. Et puis... Enfin bon, elle a dû nous forcer, elle nous a dit, c'est simple, si vous vous rendez pas, c'est un zéro, ça. Donc on s'est dit, bon, zéro, bon, je crois que j'ai dû me prendre un zéro, je crois. Non, jamais. Enfin, ou alors elle a dit, tu auras un zéro, et puis elle ne l'a pas mis. Mais bon, moi, ça m'a fait réfléchir, je dis, un zéro, ouais, mais enfin, deux, après, ça ferait beaucoup sur la moyenne, déjà, je suis pas trop bon français. Et puis en nous forçant, on a fait les poèmes, et puis à force, j'en ai fait, voilà. J'ai eu raison, alors. Oui, vous avez eu raison. Tu as vraiment raison. Il ne faut pas désespérer des jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils ne réussissent pas dans notre système scolaire qu'ils n'ont pas les qualités nécessaires pour se construire, pour bien vivre et pour être des jeunes adultes intéressants. Là, dans la classe, par exemple, moi, ce qui est fabuleux, c'est que je me dis que dans 10 ans, il y en a plusieurs que j'aimerais bien rencontrer et j'aimerais bien en faire mes amis. Moi, je croyais qu'au début, travailler, c'était travailler. Et puis, c'était fatigant, on s'embêtait, on s'ennuyait, tout ça. Et puis, quand on a fait les poèmes, on a bien rigolé, on a fait des bêtises et tout, comme tous les jeunes. Et puis, c'est prendre plaisir à ce qu'on fait. Des petites bêtises. Alors, ce que j'ai trouvé étonnant d'abord, c'est que c'était la première fois que vous lisiez vos textes. Et finalement, pratiquement tout le monde a lu son texte. Mais en fait, vous les avez lus pratiquement un par un ou entre copains ou en petit groupe. Est-ce que vous auriez pu les dire devant tout le monde, par exemple ? Miguel, par exemple. Bah, je pense que ça aurait été plus dur, quoi, vis-à-vis du bruit et tout, mais ça aurait été faisable, quoi. Mais c'est quand même mieux, là, de venir... je sais pas, déjà on le sent plus le texte quand on est plus concentré, quoi, quand on est seul. Et on sent vraiment ce qu'il y a dans le texte, quoi, la force du texte. Non, mais vu qu'ils ont été faits dans une certaine intimité, ça peut pas se faire comme ça devant plein de monde, quoi. C'est personnel. Ouais. Ça passe pas quand il y a beaucoup de monde. Et quand ça passe mieux à deux. Par exemple, pour toi, où les poèmes, c'était vraiment des poèmes intimes, où les choses que tu avais à dire étaient intimes, est-ce que tu as senti quand même que tu faisais partie de la classe, que c'était quelque chose qui intéressait tout le monde ? Non, je pense pas. Je sais pas si ça intéressait tout le monde. J'ai même pas demandé, mais je les ai écrits parce que ça me faisait plaisir de les écrire. Enfin, plaisir. Parce que j'avais besoin de les écrire, c'est tout. Et, bon, vous avez parlé... Mais il y en a qui ont eu un peu de difficulté à parler. Est-ce que vous comprenez que ça peut être difficile de parler quand même ? Bah surtout, moi, je pense que ceux qui n'arrivent pas à parler, c'est qu'ils ont peur. Quand ça va sortir, quoi. Ce qu'ils vont en penser, ses copains, les trucs comme ça. Ça dépend du caractère aussi. Voilà. Il faut être fort de caractère quand même pour faire ça devant la classe. Faut se dire, ouais... On s'en fout des autres, faut être sûr de soi. Raconte. Faut faire des choses personnelles et que ça s'entend partout. Faut s'attendre à être critiqué. Ouais. C'est au niveau de la peur d'être critiqué, ça se passait. Ouais, surtout ça. Surtout ça. Je pense surtout que la peur oui, d'être critiqué. Là, maintenant que c'est fait, on n'a pas l'impression à vous entendre comme ça, parce que vous parlez tous pareil, que vous avez vraiment peur d'être critiqué pourtant. Non, parce que maintenant, ça y est, c'est passé. Il y a la peur au départ, mais après, est-ce qu'il y a le plaisir de pouvoir dire ce qu'on pense ? Ouais, puis il y a une certaine fierté, quoi, de son travail. Parce qu'on y a pris du temps, quoi. Bien que la plupart du temps, ça nous embêtait, quoi, de faire ça, parce qu'on n'en avait jamais fait. Mais une fois que c'est fait, il y a une certaine fierté quand c'est réussi. Non, c'est parce qu'on nous a acheté ça comme ça. On n'avait jamais fait, alors on s'est retrouvés bêtes. Devant nos poèmes. Ouais. Ouais. Ouais, ça, ouais. C'est la première fois qu'on a une expérience de ce type-là. Mais on peut dire merci au professeur. À Madame Leroy, ici présent. Parce que ça nous a beaucoup servi. On vous remercie beaucoup. Ça nous a aidé. John Berger, Pierre Castarède, Kader, Marie-Paul Leroy, Marc Bateau, Catherine Régnier et les élèves de la classe de seconde 11. Coulness ou quoi ? Groupe de réalisation, Michel Maire, Isabelle Jeanneret, Dominique Dindino, Philippe Dupin, Frédéric Joly, Pierre Laya. Demain, et nos visages, mon cœur, fugace comme des photos. Nuit magnétique, bonsoir. Marc Patouf, tu as été tout au long de cette émission un peu notre messager, celui qui nous a guidés à travers l'intra et l'extramuros du lycée Vuillaume. Et si je t'ai demandé de venir écouter l'émission et d'intervenir post-générique, ce n'est pas bien sûr pour parler directement sur l'émission, mais c'est plutôt parce que il me semblait que derrière toutes ces voix qu'on a entendues, tous ces sons, il y avait un non-dit évident. C'est-à-dire que ce qui n'était pas dit, c'est le choc ou la rencontre des cultures, parce qu'il y avait plusieurs cultures. Ces jeunes gens, ce ne sont pas seulement des élèves, ce sont des jeunes gens de banlieue, et ils ont une culture dont ils ne sont pas réellement conscients. Et puis leurs enseignants, également, ont une autre notion de la culture, qui repose sur l'acquisition de connaissances et sur le développement de facultés intellectuelles. Et puis il y a toi, la culture dont tu es le représentant, c'est la culture de l'artiste, c'est-à-dire du solitaire, de l'homme de l'ego, si on veut, de celui qui cherche. Alors, je crois que maintenant, donc du dehors, en dehors de l'émission, on pourrait parler de ça. L'homme de l'ego, je ne sais pas. Ce qui me semble, enfin, une des caractéristiques de l'artiste, je pense, c'est d'être centré. D'essayer de se situer dans une histoire. Hein. Moi, l'histoire de la photographie, d'autres, l'histoire de la peinture. Mais l'histoire liée à la vie contemporaine, liée à l'actualité. Je crois que le problème de ces jeunes-là, avant tout, c'est que ce lien ne se fait pas. Le lien avec les origines, le lien avec la société, le lien entre l'école et leur vie. Je crois que le problème, il est là. Sinon, manque de culture, non, évidemment. Ce ne sont pas des jeunes acculturés, au contraire. Ils ont écrit des poèmes. Et non content d'écrire des poèmes, ils ont trouvé un titre. Et ce titre, c'est « Laissez-nous vivre », suivi d'explosions poétiques. En disant « explosion poétique », ils nomment la pratique qu'ils ont eue. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la prose, c'est de l'explosion poétique. Je crois que là, on rentre dans la culture. Quand on commence à pouvoir nommer la pratique qu'on a, lorsqu'on commence à pouvoir mettre des mots sur... sur le langage, je crois que là, on commence à toucher quelque chose de vraiment intéressant. Alors, l'intérêt pour l'artiste, ou plutôt ce qui anime l'artiste, c'est la production d'un objet. C'est la production d'une trace, c'est une espèce d'obligation comme ça à produire une forme, qu'elle soit abstraite ou concrète, que ce soit une sculpture, un texte, une photo, une pensée. Mais ce qui l'anime, c'est vraiment de pouvoir, à un moment donné, exprimer une forme. Le problème de ces jeunes, c'est de jamais concrétiser sous forme d'objet, sous forme de texte, sous forme de choses à donner aux autres, une pensée ou une forme. Ces jeunes-là, ils sont sans arrêt, soi-disant, dans l'échec. Mais l'échec, en fait, c'est la non-production de traces. Hein, c'est le fait que, à chaque fois qu'ils font un effort, à chaque fois qu'ils font un texte, à chaque fois qu'ils ont une pensée, etc., c'est pas traduit sous forme de traces. Ce qui fait que l'intérêt de la trace, c'est aussi de pouvoir l'abandonner. Hein, c'est aussi de pouvoir repartir ailleurs une fois qu'on a dit quelque chose. Alors que ce soit intéressant ou pas, etc., ça, c'est un autre problème. Mais justement, quand il y a enracinement dans un lycée, quand on met tout à coup dans un lycée des gens qui ont d'autres références culturelles, qui ne se réfèrent pas au dedans, mais au dehors, qui ne se réfèrent pas à la culture des enseignants, mais qui se réfèrent à leur propre culture dont ils n'ont pas conscience, comment se situe l'artiste par rapport à ça ? Celui qui arrive de l'extérieur et qui n'est ni du côté des profs, ni du côté des élèves, d'une certaine manière. Ben, l'artiste, comment il se situe? Je crois que l'artiste, il a déjà situé dans sa propre solitude face aux autres. Et puis, je crois que l'artiste, il doit surtout pas sauver les autres contre eux-mêmes. Donc, il y a une espèce de regard, hein, eux sur moi et moi sur eux. Mais en même temps, ce regard, il est, je dirais, sans concession. À savoir que moi, j'ai un travail à faire, que je veux mener à bien dans un espace donné, de temps et de... Et puis, c'est une bataille, hein, entre eux et moi. Alors bon, c'est dans cette relation-là que ça commence à être intéressant. C'est justement quand tu veux pas sauver les autres, quand tu les laisses à leur destinée, mais en même temps en leur montrant que toi tu fonctionnes, que toi tu existes et que malgré eux, je dirais, tu réussiras à faire ce que tu avais envie de faire au départ. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut se situer par rapport à eux. Et dans l'émission, il y avait un professeur qui parlait du manque de référence culturelle des élèves. Mais moi, je les ai entendus aussi parler de leur manque de référence spatiale dans le lycée. Et presque comme un leitmotiv, on entendait toujours « la vie est ailleurs ». Ils disaient tous « la vie est ailleurs ». Mais toi, quels sont tes points de repère, tes références dans ce lycée? Moi, mes références dans le lycée, déjà, c'est la première fois, la première fois où je suis arrivé dans ce lycée, il y a déjà un 1%, on parlait d'1% des élèves dans l'émission. Là, il y a un 1% artistique. Et ce 1% artistique, il est à 5 mètres de haut. C'est une espèce de masse informe rouillée dont personne ne sait rien. Personne ne sait qui est l'artiste qui a fait cette pièce. Personne ne sait depuis quand c'est là, etc. Alors déjà, ça, c'est une référence, je dirais, négative pour l'artiste. Parce que c'est un objet en trop, hein, déplacé, que personne ne comprend, que personne n'aime, que personne n'interroge, il n'existe pas. Les références, dans l'émission, toujours, il y a le bruit. Alors le bruit, moi, je ne l'ai pas senti aussi violent que dans l'émission. Le micro doit amplifier ou il doit sélectionner. Enfin, il y a un côté pointu comme ça qui est mis sur le bruit. C'est moins violent que ça, mais ça existe, évidemment. Mais moi, j'ai été aussi frappé par la présence des oiseaux dans ce lycée. Il y a beaucoup d'oiseaux. Dans la salle où je suis, entre autres, il y a un arbre devant la fenêtre. Et cet arbre, ça a été aussi une de mes références. Ça a été... À chaque fois que je fais un travail comme ça, j'aime bien prendre un référent extérieur, un objet. Alors, des fois, c'est une maison en train de se construire. La maison se construit, les gens habitent dedans, et puis moi, je continue mon travail. Des fois, il se termine pas. Là, ça a été l'arbre. Alors, l'arbre, je l'ai connu en hiver. Après, il y a eu la guerre du Golfe. Je l'ai photographié pendant la guerre du Golfe. Pourquoi ? Parce que pour moi, il symbolisait la vie. Enfin, il y avait une espèce d'espérance comme ça. Et puis, je l'ai abandonné. Je l'ai retrouvé récemment. Il est plein de feuilles. J'ai loupé les fleurs. Et il s'avère que cet arbre, c'est un cerisier. Alors, je mangerai peut-être des cerises avant la fin de l'année scolaire. Donc ça, c'est des références dans le lycée. Mais moi, j'ai besoin de références aussi en dehors du lycée. Alors ces références, je les prends dans le quotidien. Enfin, ces références, je les prends dans le quotidien. Je les prends dans l'actualité beaucoup. Voilà. Un photographe, un artiste en général, se trouve confronté, disons, à la question de la perte. C'est-à-dire que on ne peut pas tout garder. On jette. On doit choisir parmi les épreuves, parmi les clichés, parmi les textes pour ceux qui écrivent. Et donc ces élèves qui, pour la première fois, écrivent, eux ne connaissent pas encore l'idée de la perte, parce que l'important pour eux, c'est que leur cri soit enregistré, que leur cri reste sur le papier. Et c'est difficile pour eux de choisir entre les poèmes, de choisir entre les mots. Alors, comment réagissent-ils quand tu jettes, par exemple, un cliché d'eux, ou quand tu parles avec eux du fait qu'il faut choisir entre les photos, entre les textes, etc. Est-ce qu'ils sont sensibles à cette idée de la perte ? Pas trop. Pas trop, bien évidemment, parce qu'ils sont encore dans l'apprentissage de la prise de parole, enfin de l'écriture. Moi, la perte, ça a été... Enfin, pour moi, la perte, c'est l'arbre, par exemple. Je suis en train de te parler de l'arbre, mais c'est bien évident que cet arbre, personne n'en verra jamais les photos. Je les ai faites, elles m'ont servi à un moment donné. J'avais besoin de les faire, je les ai faites. Mais en même temps, en les faisant, je savais que c'était autre chose que j'avais envie de photographier. Enfin, c'était trop... si tu veux, c'est trop simple que de photographier un arbre en pensant à la guerre. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais en même temps... en même temps, il y a un moment donné de violence en toi où la seule solution, c'est de faire ces photos-là. Donc, il y a aussi cette perte-là. Alors, pour eux, la perte, elle est peut-être différente parce que, par exemple, là, ils ont voulu organiser leur texte. Donc, faire une hiérarchie, essayer de voir lesquels étaient meilleurs, lesquels étaient... Et puis, en fin de compte, ils ont choisi la forme chronologique. Parce que c'était aussi la forme qui permettait de rien jeter. Alors, je crois que l'écriture, évidemment, c'est de jeter. Hein, c'est écrire, mais c'est aussi savoir sélectionner, c'est aussi savoir comprendre pourquoi on va garder un texte, pourquoi on va en jeter un autre, pourquoi on va jeter un beau texte, et pas forcément un mauvais. Enfin, je crois que c'est toute cette organisation-là, mais ils commencent à le faire. Ils commencent à... Bon, dans l'émission, par exemple, ils ont lu pour la première fois leur texte. Alors, bien sûr, leur texte, ils les avaient lus. Bien sûr, ils avaient été scotchés au mur, agrandis, photocopiés, distribués, diffusés, etc. Mais c'était la première fois qu'ils le lisaient à haute voix, en public. Donc, c'est des étapes comme ça à franchir, comme une initiation un peu. Mais... et je crois que le travail commencera réellement quand ils commenceront à acheter, oui, tout à fait. Donc là, on arrive à la fin de l'année, les portraits sont plus ou moins faits. On va en terminer quelques-uns encore. Maintenant, je dirais que la première partie du travail est finie. Avec eux, on a produit X portraits, une vingtaine. Ils sont investis dedans, ils ont écrit, etc. Maintenant, le travail, ça va être pour moi de traduire ça sous une forme qui m'intéresse. Donc, trouver une dimension à ces images, leur trouver une forme, leur trouver un cadre, et puis ensuite les exposer. Mais en même temps, moi, j'ai été résident dans un lycée. J'étais pas résident dans une classe. Donc ce que j'ai envie, c'est que l'ensemble de ce travail qu'on a fait avec les jeunes de cette classe-là soit restitué à l'ensemble du lycée. Donc sous quelle forme, ça reste à définir encore, mais sans doute sous la forme de tirage sérigraphique assez grand, de façon à ce que tout le monde puisse voir ces images et puis puisse se questionner par rapport à ses problèmes d'identité, par rapport à ses problèmes de jeunes, de culture, de banlieue, etc. Cette émission a été diffusée la première fois le 28 mai 1991 sur France Culture. Du 18 juin au 22 septembre 2019, au Musée du Jeu de Paume, Paris, exposition du travail photographique de Marc Pateau, réalisée à l'occasion de ses deux nuits magnétiques à Aulnay-sous-Bois. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr. À suivre.